C'est le moment des meilleurs moments d'assemblage requis. C'est le moment des meilleurs moments, tu sais. Le moment des meilleurs moments. Maman. C'est les instants classiques. Instantané moment. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 mars 2014. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, c'est lui, Jean-Philippe Charbonneau. JP, pour les intimes. Ouais. Pour les parties intimes, on appelle ton engin JP. Ouais, chaque boule a un J, puis l'autre un prédillon, puis l'autre un P. C'est J et P. Et voilà. Alors, on a des secrets de productivité de la part d'écrivains prolifiques. Comment il faisait pour écrire de façon aussi prolifique? L'acide. L'acide. À ne pas confondre avec le film pour enfants, La scie. Oui! Et les bonobos, une sorte de singe, partagent 99% de notre ADN et ont des relations sexuelles pour presque n'importe quelle raison. Ah, il fait beau aujourd'hui. Bang! Yeah! Ah, il fait mauvais aujourd'hui. Bang! C'est la Saint-Patrick. Bang! Bang! On est au mois de mars. Bang! Bang! On a fait beaucoup, beaucoup de cet effet aujourd'hui. On a fait un effet. Bang! Bang! Bang! Tart, bang! Bang! Young. Oh, wow! Hey! C'était quoi les chances? Je suis rock. Moi, je m'appelle Jean-Philippe. Bang Charbonneau. Jean-Philippe Charbagno. Charbagno. Donne des estelles, bango. Et où la salle de bang? Jean-Philippe doit deviner le thème qui regroupe trois pièces. On a commencé avec Métatuc et la chanson Hymne aux poilus sur leur album La foire aux primates. Ensuite, il y a eu Shampoing et Richesse de la flore sur l'album Les experts. On a terminé avec Les camionnettes et Cheveux longs sur l'album Jouer dans les arts. Si tu ne demandes pas les cheveux, ce serait trop facile. Poilus, shampoing et cheveux longs. Là. Métatuc, oui. Tuc du gars laine. Oui. Laine, c'est tricoté. OK. Tuc de laine, OK. Ensuite, t'as Richesse de la flore. Un foulard. OK. Un foulard que tu tricotes, évidemment. Ouais, ben okay. Oui. Et t'as Joué dans les airs, l'album de camionnette Joué dans les airs. C'est quoi du tricot si c'est pas jouer des baguettes dans les airs? Ben oui. Puis pas la danse. On fait tous la danse du ventre et des épaules pour accueillir les auditeurs à l'assemblage requis ce matin. Jean-Philippe, comment? T'as pas vu mes pieds? Ah, c'est en dessous de la table, comme toujours avec Jean-Philippe. Il y a tout le temps quelque chose sous la table. On est allé en fin de semaine essayer la 428 chez LKQ Pain Tendre Auto avec une STI. Pain Tendre Auto? Ouais, c'est sur la rive sud de Québec. Moelleux. Il y a une grande cour. Non, c'est pas du pain tendre. Cour moelleuse. Non, je refuse. Hey, on passe en pause. On peut voir l'animateur. Tu peux faire un test routier avec l'ami. Ton ami. Ah, l'ami. L'ami. Ah, l'ami du pain. Ben oui. Oui, c'est tu t'en vas sur l'autocroute. Wow. Autocroute. Mip, mip. Hop, ça va. Oui, oh non, il s'en va. Ah. Et claque la porte. Et on fait une toune hein, pour les élections. Election, good time, come on. Allez, allez voter. Allez voter. Vas-y, QTF. Tu sais qui a fait une toune pour l'implication? Ouais, dis-moi en plus. Vas-y. Implication, good time, come on. J'ai été tannant, je trouve, aujourd'hui. T'as été tannant, mais dans le bon sens. Je cherche un mot qui finissait par ion. Ouais, ion. Si tu me le lances avant la fin, go. C'est une bonne émission. C'est quoi déjà l'air? Une bonne émission, comment? C'est ta chanson, mais c'est toi qui l'as inventée. Queue de poisson. Queue de poisson, gars. C'est vraiment pas bon. Mathieu, il fallait que tu me donnes un oreiller. Je peux changer. Je t'aime. On devrait, moi aussi. On devrait vraiment. Si au moins, il faisait des choses drôles. Ce gag-là, dorénavant, n'aura plus lieu. Non. Donc, sachez-le, c'était sa dernière représentation. Oui. Représentation, good time, comment? Il est nu sur la scène. Il y a des cheveux blonds, là, un peu frisés. Ah, c'est lui, ça. Ouais. Oui. Il est pieds nus sur la scène, ça y rajoute un petit quelque chose. On appelle ça des écharmes. Merci, Mathieu. Ben oui, hein? Tu rires nerveux. Genre, il est sérieux, ça joue. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Tu en hérites et je pense que ça va t'irriter. Je sais pas pourquoi. J'espère que c'est comme le vélo, là, que ça se perd pas. Ah. Puis que ça fait mal dans la fourche. Oh, tu sauras me le dire tantôt. Ah. Une nouvelle entrée de Charlie Fox soit en 20e place francophone. C'est la mémoire courte à Assemblage Requis. Maintenant, c'est fini. C'était quoi la toune? C'était la mémoire courte. Oh, tu t'en rappelles plus déjà. Je vous ai lancé un ultimatum. Parce que c'était pas un ultimatum, mais je vais dire comme si. Ultimatum, c'est le frère de Jerry, ça, ultimatum Jerry. Vas-y, continue, excuse-moi. Ultimatum and Jerry, continue. Oh mon dieu! Ultimatum and Jerry Kiss! Miroir, ricochet. C'est Yvan Tonton. Oui. En dessin animé. C'était bon. Merci Steph. Merci Mathieu. Passe une belle journée. Tout su. Merci. Dorioy. Bon. Oh, il quoi, les oh, c'est toi qui raccroche en premier. Oh, non, c'est toi qui raccroche en premier. C'est toi qui ferme le micro. C'est pas moi. En fait, c'est moi qui ferme le micro parce que c'est moi qui ai la console. Ouais. Ça gâche la gueule un peu. Hein. Veux-tu te le faire à distance? Attention, pèse-le par magie. Je vais. Sauf que là, si j'arrête les micros, on pourra plus. Va. Pèse ça à la pub à la personne plus simple. OK, pub. On se lance à 8h30 pour sa chronique Logocratie 101. Son sujet d'aujourd'hui, Stéphanie, c'est référendum droit devant, point d'interrogation. Ah, OK, tu ne l'avais pas dit avec l'intonation qu'elle avait avec le point. Référendum droit devant? Je suis une grosse gueule! Je sais pas si en français c'est colostomie. J'en ai aucune idée. En tout cas, en anglais c'est colostomie. Colostomie, voilà. Fait qu'en français tu mets le IE. C'est comme ça que tu m'as appris à traduire. C'est ça, exactement. Ça fonctionne pas tout le temps, mais bon. Colostomie qui est aussi le nom des intimidateurs dans les écoles secondaires qui s'appellent Tommy. On va les appeler dorénavant colostomie. Donc, salut, colostomie. Je me demandais si les jeunes sont vraiment intéressés par ces affaires de chat parce que j'entends tout le temps ça partout. Tout le monde, je vois les gens sont tous sur Snapchat. Sur Snapchat. Snapchat. Snapchat. Ouais. On prend une photo temporaire de la charte, puis on se met un voile sur la tête. Exactement. Pendant 7 secondes. Les péripéties de JP, épisode 9. JP passe une audition pour co-animer Salut Bonjour. Malheureusement, JP était beaucoup trop intimidé par le beau Gino Chouinard. Gag alternatif. Malheureusement, JP était beaucoup trop talentueux pour TVA. J'avais oublié. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a fait que j'avais tout oublié ça. Bonne fin de semaine, Stéphanie. Bonne fin de semaine, Mathieu. Yeah. On s'applaudit pour cette belle semaine. Bravo. On applaudit les bonbons. Oui, on applaudit les bonbons. On applaudit les requins aussi. Ah oh oui, bravo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. On applaudit Dany qui a encore oublié sa carte pour rentrer dans le bureau. Encore. Et toute l'équipe de C'est Fou. Bye. Hey, hey. Hey, hey. Et on arrête l'applaudissement. Oh, la foule! Vous avez soif de nouvelle musique? La foule m'écoute pas! De nouveaux groupes? C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 mars 2014. Fort cette semaine-là, me semble. Ben, c'est cocasse. Forte, ouais. Oui, hey, cocasse. Jean-Philippe m'a fait bien rire. Vraiment, il était taquin, hein? Il l'a dit lui-même, tannant, taquin. Je me demande si c'est l'influence des audacieuses qu'il a co-animé cette semaine. Peut-être. Donc, probablement qu'il se sentait coquine et farfelu. Ça doit être ça. Je sais qu'il s'est rasé d'un bord à l'autre du corps pour avoir l'air plus féminine, plus féminin, en tout cas, peu importe. peu importe, vraiment. C'est son droit. Mais on salue Jean-Philippe Charbonneau qui a co-animé, comme tu disais, les Audacieuses hier soir et qui va être de retour à Assemblage Requis les lundis et mardis, toujours entre 7h30 et 9h30. Toi, tu fais les mercredis, jeudi. Moi, je fais les 4 jours. Oui, et ça changera jamais. Jamais. Même pas la, surtout pas, mettons, la semaine du 24 mars. Jamais. Jamais. Il n'y aura non. aucune confusion à avoir. Surtout celle-là. Celle-là va être particulièrement similaire aux autres. Ça dépend. Donc, soyez-y, lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Et en passant, les montages des instants classiques sont disponibles sur assemblagerequis.com depuis le tout début. Donc, si vous avez manqué la capsule, shame on you! Et puis, allez vous retrouver ça sur le www.assemblagerequis.com. Shame on you! OK. C'est honte à toi. From on you! From on you! On était rendu avant de se quitter. Shame on you, good time! Come on! It's a celebration.